Revoici pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, saison numéro 2, épisode numéro 11. Alors, l'actualité le veut, on est obligé de revenir sur les séries d'accès de violence de nos amis Bougnoul. À Londres, tout d'abord, hein, alors, on sait pas trop, une espèce de nègre, converti à l'islam et maqué, je crois, avec plus ou moins une pakistanaise ou un truc comme ça, a décidé de devenir un combattant de l'islam et, comme vous le savez, a foncé sur le pont de Westminster sur des passants, dont d'ailleurs trois élèves bretons. Hein, je pense pas que ça fasse baisser le niveau de gauchisme en Bretagne, d'ailleurs. Enfin bon, il en a percuté trois, deux assez sérieusement. Quatre morts au final, dont ce gros nègre, enfin oui, ce nègre musulman. Qui a envie d'en parler de ça? Qui de cette... Bah, c'est pas une nouveauté, hein. On a parlé d'Orly la semaine dernière, bon, c'est vrai qu'on vit un petit peu au rythme de cette merde, mais qui a envie de parler de notre nouvelle star de la semaine? Malheureusement, ils sont tellement nombreux, leur carrière dure assez peu de temps, comme leur renommée. Je sais pas, qu'est-ce qu'on disent les médias, est-ce qu'il a crié à l'Akbar pour se donner du courage, ou qu'est-ce qu'il y a, c'est un problème de déséquilibre, qu'est-ce qui se passe? J'ai à moitié rien compris à la scène, parce que soi-disant, enfin, le véhicule il fonce à fond sur le trottoir, et puis à fond c'est à fond, hein. Il percute des gens, il y a une personne qui finit dans la Tamise, etc. Ensuite il arrive en face du Parlement, il sort, il tue au couteau un flic. Puis des gens ont parlé de coups de feu, mais j'en sais pas plus. Alors peut-être qu'il avait aussi un flingue. Enfin, c'est assez confus, mais il était décidé à venger l'islam, offensé. Hein. Offensé, quand même. Donc... Ils ont été abattus par les forces de sécurité, en fait. Ouais. Ils ont reconnu le caractère terroriste du gars, ou pas? Ah oui, ils ont dit, voilà, c'est... D'accord. Voilà, c'est islamiste, radicalisé, ils ont interpellé d'autres mecs, il était plus ou moins... soi-disant vaguement en contact avec l'État islamique, enfin, il était bon, hein, il était mûr, et donc il a décidé d'attaquer, bah, effectivement, le Parlement britannique, bon, comme l'Assemblée nationale en France, quoi. Et voilà, bon, ça s'est mal terminé pour lui, pour aussi d'autres passants, mais enfin, bon, voilà, ça a été bien le bazar pendant au moins 24 heures. Comment dire? Moi, je ferais remarquer que, bon, bah, contrairement à ce que certains pensent, on a beau céder du terrain à ces gens-là, par exemple, en élisant un maire musulman à Londres, ça ne protégera pas des attaques terroristes. Hein. Ça, qui veut dire ce qu'a dit le maire musulman de Londres? Il avait dit à l'époque des attentats, tiens, Obman, c'est pour toi, qu'est-ce qu'il avait dit, notre brave Sadiq Khan, pakistanais d'origine? Tu le sais, ça? Tu parles de quand, il y a quelques mois, ou de ses propos d'il y a quelques jours? Tu sais, sa déclaration sur le terrorisme, les grandes villes, etc. Bah, c'est ce qu'il avait dit, c'est-à-dire que le terrorisme, bah, un peu comme Manuel Valls, il faut vivre avec, et ça fait partie du fait de vivre dans une grande ville, quoi. Donc, pour eux, t'es habitant d'une grande ville, donc en fait, c'est normal que de temps en temps, il y ait des noirs ou des boucas qui pètent les plombs et qui te butent. Bonjour. Alors, donc il faut préciser, c'est-à-dire que quand tu vis dans une grande ville avec des nègres et des musulmans, bien ça, sûr, voilà, ça peut arriver effectivement. Alors là, il a raison. Quand vous vivez dans une ville de nègres et de bougnoules, effectivement, ça peut arriver. C'est statistique. Vous pouvez prendre un attentat dans la gueule. Moi, je comprends pas parce qu'on m'avait dit que la violence des personnes halogènes de confession musulmane, ça venait de la stigmatisation, du fait qu'on leur laissait pas assez de place dans la société. Et on remarque qu'ils en ont de plus en plus, et ils sont de plus en plus violents, en fait. C'est bizarre. Oh, tu crois? Ouais, pour ceux qui connaissent l'islam, plus il y en a, plus ils sont violents. Hein. Il n'y a pas de rapport, en fait. En fait, l'histoire de la justice sociale, etc., c'est des conneries. Hein. Enfin, bon, vous le savez, évidemment, mais... bon, il y a les gauchistes qui arrivent... En fait, vous voyez, le gauchiste, c'est un peu la caricature de l'avocat tocard de gauche qui va défendre un putain d'égorgeur algérien dans un tribunal. Vous voyez. Je résumerai le Parti Socialiste et la gauche entière à ça. C'est-à-dire qu'ils ont à côté, tu vois, il y a Kader, Karim ou Fofana, tu vois, qui sont vraiment j'aimerais en dire plus, mais je peux pas. Ils sont vraiment des rats, quoi. Ils arrivent à la barre, tu vois, mais heureusement, tu vois qu'il y a Mathieu, avocat de son État et encarté au Parti Socialiste, pour défendre le cas, la cause désespérée, quoi. Et en fait, c'est toujours ça, médiatiquement même, quoi. Je veux dire, eux, ils font leurs conneries, puis ensuite, t'as toujours les types qui viennent te retravailler la narration pour te faire avaler le truc, enfin, la décoction infecte du multiculturalisme, et ils sont là, oui, mais quand même, vous comprenez, et puis voilà, etc., quoi. C'est assez rigolo. D'ailleurs, sur Al Jazeera, ouais, faut le spécifier, le live d'Al Jazeera, donc la chaîne qatari, hein, il y a aussi, enfin, c'est une chaîne globale, qui se veut globale, quoi, et il y a évidemment plusieurs langues, dont l'arabe et l'anglais. Alors, en arabe, c'était la fête, hein. En anglais aussi, il y avait que, quand vous regardez le live, en fait, il y a plein de smileys qui défilent, et tous les mecs s'éclatent, les bougnoules s'amusent, ils sont super contents. Et quand tu écoutais le Premier ministre parler dans la foulée, elle disait, en gros, ah, les terroristes, alors c'est toujours pareil, on ne sait pas qui c'est, là, les terroristes essaye de nous diviser, on visait une ville multiculturelle, blablabla, toutes les nationalités, voilà, ils n'arriveront pas au bout de la démocratie, les droits de l'homme, on a bien compris, quoi. Foiré de basque nationaliste. Ouais, non, mais ouais, c'est ça, en fait, ouais, exactement, donc, voilà, ça chialait abondamment, donc, sur la démocratie une nouvelle fois. Qui a quand même créé le merdier dans lequel il se trouve. C'est fascinant, en fait. Cette démocratie-là dont il nous parle tant, les droits de l'homme dont il nous parle tant, le multiculturalisme qu'ils ont eux-mêmes créé, plus l'immigration, ça crée ces situations-là. Et ensuite, les mecs viennent chialer sur ce qu'ils ont créé. Je veux dire, pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi vous vous plaignez? Vous faites venir des Pakistanais, vous faites venir tous les bougnoules de la Terre, ils se sont éclatés, c'est logique. Donc c'est normal, c'est compris dans le contrat, tu vois. Enfin bon. Et donc sur Al Jazeera, bah les mecs, ils assument, tu vois. Ils assument totalement leur plaisir, quoi. Alors ça, par contre, c'est évacué complètement, quoi. Je sais pas, le Premier ministre aurait peut-être dû jeter un petit coup d'œil là-dessus. Bon, on a eu une autre série. On a eu. Bon, c'est ça, ça faisait. L'attentat de Londres faisait suite à Orly, ça vous le savez. Et a été suivi de l'attentat foiré d'Anvers, avec un certain Mohamed R. On n'a pas le nom de famille, enfin je ne l'ai pas trouvé, peut-être qu'il est en circulation maintenant, citoyen français, entre guillemets, hein, qui a essayé bah, de faire la même chose qu'à Londres, hein, percuter les gens en série. Alors pour l'attentat de Londres, à faire observer que c'était un an tout juste après l'attentat de Bruxelles. Hein. Vous savez, quand les bougnoules ont essayé de cartonner l'aéroport, enfin ils ont pas qu'ils ont essayé, ils ont réussi, ils ont tué des gens. Mais ça, c'était un an après, donc l'État islamique et ses suppôts continuent à mettre la pression. Donc un citoyen français à Anvers, en Belgique, dans la partie flamande, a essayé de tuer des gens. Fulbert, un truc là-dessus, je sais pas, peut-être que tu as eu plus d'infos que nous n'aurions pas eu. Non, nullement, nullement. En Belgique, les infos ne circulent pas facilement de ce côté-là. La presse n'est pas prodigue pour ça. Ouais, c'est pas très étonnant, effectivement. Pas très étonnant. Et à Dijon aussi, un attentat manqué, puisqu'on a eu une mouquère intégralement voilée déambulant dans les rues de la ville, essayant d'abord de s'introduire dans une église. Ça, c'était vendredi. Vendredi, jour de la prière, hein, c'est jamais un hasard. C'est comme le ramadan. Le ramadan, il y a toujours des flambées de violence. Toujours. Donc, prochain ramadan en France, et en Europe, attendez-vous à des flambées de violence radicale, beaucoup plus importante, voilà. C'est quand le prochain Ramadan? Je sais pas, écoute, il faudrait que je chope mon calendrier, mais Bientôt, je pense. je sais pas parce que c'est non, c'est pas tous les ans. Ça va être en été, hein, c'est à peu près ça. Dans 2 mois, dans 2, 3 mois, je pense. Je sais pas, Ah, je sais pas. en fait, là, je change pas vraiment de sujet, mais il y a Erdogan qui a promis aux Européens que si ça continuait, il allait déchaîner ses hordes d'Ottomans sur nous, quoi. Franchement, j'ai qu'une hâte, quoi, c'est qu'il le fasse, bordel de Bah, merde. il l'a fait. Ouais, mais c'est pas assez gros encore. Non, mais c'est-à-dire que c'est évident que c'est lui. Parce qu'il l'a dit cette semaine, et que le lendemain, il y a l'attentat de Londres, ensuite l'Anvers, ensuite, bon, Dijon, une tentative foirée, etc. Ça se multiplie dans tous les sens. Et le mec, il dit, il n'y a plus aucun Européen qui pourra marcher tranquillement dans la rue, nulle part dans le monde. Et t'as un mec qui prend une bagnole, il tue des gens à Londres, il y a un mec qui prend une bagnole à Anvers, il a presque réussi, il y a quelqu'un qui arrive dans la rue à Dijon, qui essaie de tuer, enfin une mouquère voilée, qui essaie de tuer des gens en random. Donc, Erdogan dit un truc le mercredi, le jeudi, t'as des gens qui tuent des gens dans la rue, t'as des musulmans qui tuent des gens dans la rue. Ouais, je sais pas, j'ai l'esprit de déduction, je présume qu'il y a un lien de cause à effet, non? En tout cas, bon. Alors, pour les dates du Ramadan, je préviens les gens, donc Oui, ça peut être utile. Ouais. pensez à vous bunkériser ou aller dans un pays, disons, du Nord, qui reste du Nord encore. C'est Le du Groenland, 27 donc. mai, bah, où il n'y a pas de boucaque, quoi. C'est du 27 mai au 25 juin, a priori, à peu près. Hein. Oula! Donc, Putain, voilà. Astérix, t'es pointu, hein? Ouais, c'est dans 2-3 mois. Ah Alors. non, mais lui, il s'est converti en scred. Hein. Et si on couplait ça avec les élections présidentielles, on pourrait trouver un truc très intéressant dans le Ah, premier moi, mois je de la rêverais présidence. que Marine Le Pen soit élue Ah ouais. le 4 mai et que le 27 commence le Ramadan. Ah ouais, ah ouais, ah oui. Oui, alors, mais Que je tu veux. pense. Ouais, vas-y, Fulbert. Oui, pour en revenir un petit peu à la question que tu m'as posée sur le terroriste d'Anvers, j'ai oublié de préciser qu'en fait, le type a d'abord été présenté comme un Français. Ça, c'est Oui. classique. Ensuite, c'est un Tunisien de 39 ans et il a été présenté comme Français parce qu'il avait une résidence en France et que le véhicule qu'il conduisait était immatriculé en France. Mais on ne sait toujours pas plus que Mohamed R. Bon, écoute, s'il a une maison en France et une voiture en France, c'est qu'il est français comme il est français, je pense qu'on peut le dire, hein, je veux dire. En tout cas, pour le Parti Socialiste, il est français, ça c'est évident. Merci Fulbert de ces précisions. Alors, je voulais revenir sur l'histoire du Ramadan. Alors, on disait ça en déconnant, mais là, c'est un peu plus sérieux. C'est vrai, hein, attention. Hein. Les jours de prière, le vendredi, des musulmans, ou le Ramadan, sont les moments propices où les musulmans passent à l'action pour tuer des koufars, des infidèles. Donc, vous, hein, moi, tous ceux qui sont pas des Bougnoul et des nègres musulmans, donc, ou des convertis d'ailleurs. Donc, il faut bien avoir ça à l'esprit. Et alors, ça paraît, il faut le préciser. On est en 2017, ça paraît délirant, mais il faut bien le dire. C'est que maintenant, vous allez vivre au rythme du Ramadan, chers amis. Alors, vous ne vous en doutez pas encore tout à fait, vous n'avez pas encore discerné le truc, je pense. Depuis 2 ans, vous commencez à sentir que, effectivement, les musulmans font des actes de violence, ça. Mais. Là, vous allez vraiment comprendre que ça, c'est vraiment saisonnier. Ramadan, phase de violence. Point à la ligne. Et là, ils vont vraiment se déchaîner. Parce que année après année, c'est pire. Ça aussi, il faut l'avoir à l'esprit. Et le dernier vendredi du Ramadan, alors là, c'est le festival. Parce que, alors, vous allez me demander pourquoi? Eh bien, quand vous luttez les armes à la main pour l'islam pendant le Ramadan. Vous avez plus de points, parce que c'est une religion à points, hein, l'islam, hein, c'est un truc de gogol, quoi. Voilà, tu fais un truc, t'as des points, tu fais un truc, t'as des points, quoi. Et comment dirais-je, il y a des moments où t'as des bonus. Donc si tu fais ça le vendredi, bah t'as un bonus par rapport au lundi. Ou le lundi, c'est le lundi, quoi. Vendredi, jour de prière, oh là là, subhanallah, t'as fait une action, t'as plus de points. Mais alors si c'est le dernier vendredi de prière du Ramadan, là c'est bonus, bonus, bonus, bonus, quoi, plus, plus, plus. Alors là tu rafles les points, et si tu fais vraiment une action éclair, alors là tu peux imaginer être avec tes 72 vierges pour l'éternité, quoi. Enfin pour les peigne cul à 80 de QI qui y croient, quoi. C'est pour ça, et alors évidemment les gens qui m'écoutent se disent... D'accord, mais bon, c'est délirant. Imaginez-vous dans le cerveau, enfin, ça va être difficile, mais imaginez-vous, vous avez un cerveau de demeuré consanguin qui vient d'Algérie. On vous a promis des vierges, en plus, on vous a passablement passé un petit peu de cam, un peu de cash pour votre famille, etc. Et on vous dit, écoute, dernier vendredi, là, il faut que tu fasses vraiment un coup d'éclat. Et on te fournit tout le matériel, etc., pour aller cartonner, je ne sais pas, une grande surface, une église. Le vendredi, vous me direz, il n'y a pas grand monde dans les églises. Enfin, peu importe, comprenez, c'est un endroit public où il y a du chrétien, du blanc, et on y va gaiement. Le gars gagne l'éternité selon la religion d'Allah, n'est-ce pas? Voilà. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit. Alors, jusqu'à présent, vous n'étiez pas familier de ça. Vous allez le devenir de plus en plus, malheureusement. Et voilà, c'est comme le mouton égorgé, il faut le savoir, hein, il faut comprendre la culture de nos amis. Bah là, c'est pareil, quoi. Donc, du mois de mai au mois de juin, ça va être tendu. Et le dernier vendredi de juin, est-ce que quelqu'un peut me trouver ça? Le dernier vendredi du Ramadan. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me trouver ça pendant l'émission? Pour ceux qui nous écoutent, ça pourrait leur servir. Hein. Alors, le dernier vendredi du Ramadan sera vraisemblablement le vendredi 23 juin. Le 23 juin, vous oubliez tout ce qui est grand établissement, enfin lieu public où il y a beaucoup de gens, les concerts. Alors vous restez chez vous, vous regardez un film avec De Funès, Bourvil, ce que vous voulez, avec un petit coup de vin rouge, mais vous oubliez complètement les trucs publics. Hein? Et alors le jour, Les avions aussi. alors imaginez le jour où ça sera le jour de la fête de la musique pendant un Ramadan, le dernier vendredi. Alors là, j'aime autant vous dire. Ah, c'est garanti, quoi. C'est garanti. Alors, bon, voilà, on a briefé les gens sur l'islam de l'amour, n'est-ce pas? Enchaîné avec Chichi, qui s'est déroulé au même moment que l'attentat de Londres et les tentatives manquées d'Anvers et de Dijon. Vous avez les musulmans de Clichy qui revendiquent le droit de disposer d'une mosquée qu'ils occupaient jusqu'à présent, mais qui est devenue une occupation illégale pour la bonne et simple raison que la mairie étant propriétaire des lieux et voulant, ayant d'autres projets pour ce bâtiment, a décidé d'expulser la mosquée en question. Alors, les musulmans de Clichy sont très mécontents. Et on va les écouter tout de suite. Prières publiques dans les rues, protestations, Allahu Akbar, etc. Clichy en direct, on écoute et on se retrouve. Alors, comme vous l'avez vu, chers amis, en même temps que les attentats de Londres avaient lieu, et que le climat s'était installé déjà suite à l'attentat d'Orly, pour ne pas parler du reste, à Clichy, donc, la population proteste au cri de Allah Akbar, la population musulmane, proteste en bas de la mairie, réclamant donc la réouverture d'une mosquée illégalement occupée. Vous avez une prière de rue devant les CRS, donc qui est validée par la préfecture, donc le gouvernement. Donc, comme quoi on peut prier illégalement dans la rue, ça devient légal a posteriori. Il y a aussi des éléments louches qui interviennent plus tard, j'y reviendrai. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette manifestation de force de la part des musulmans à Clichy? Astérix, c'est pour toi. Bah écoute, moi je suis pas très surpris, hein, tu sais, les événements se répètent, quoi, semaine après semaine. On a l'impression que c'est des clones, tu sais, des événements clones, quoi, quasiment. Ce truc-là, on l'a déjà commenté, c'est leur esprit de parasite prédateur, quoi. C'est-à-dire, enfin, ça va pas ensemble, mais bon, ils tentent, ils tentent, ils tentent, et puis tant qu'il n'y a pas de répression, bah, ils vont de plus en plus loin, quoi. Et puis c'est exactement comme un enfant, il comprend que la force. On dirait que c'est un peuple qui n'a pas été touché par la sagesse, quoi. Ils n'ont vraiment aucun recul sur eux-mêmes, sur la situation. Donc ils agissent vraiment à l'instinct, avec le cerveau reptilien. Et puis bah là, il n'y a aucune réponse en face, parce qu'en face, il y a vraiment que des vieilles gauchias émasculées. Donc ben, pour l'instant, ça a l'air de marcher, leur truc à la con, quoi. C'est ça qui est dingue, quoi. C'est ça qui est Et hallucinant. comment dire, le côté, alors parce que ça c'est vachement bien calculé, les drapeaux tricolores agité devant la mairie, rendez-nous la mosquée, rendez-nous la mosquée. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Tu te dis, c'est bon, ça y est, c'est la réconciliation est en marche, l'islam patriote est en route, on va défier l'Empire, ou tu es plus réservé sur les intentions Ouais, réelles? c'est vrai que j'ai quelques réserves qui naissent, quoi, en regardant ça. C'est vrai que moi, réconciliateur, non, je plaisante. C'est-à-dire qu'en fait, le côté spontané t'interroge. Tu te dis peut-être C'est ça, là, que. tu sens que c'est vraiment reptilien, quoi. Il y a aucune maîtrise sur leurs actions, quoi. Je sais Ils n'ont pas. pas le. Tu penses pas qu'ils sont arrivés à la manif en disant putain, j'ai failli oublier mon drapeau tricolore. Merde. Attends, j'y vais. Tu vois, non, ils sont tous en face de la mairie, t'sais, ils ont tous un drapeau tricolore, c'est des petits drapeaux. Et les mecs, ils agitent tout ça, tu vois, et tu te dis, bah oui, évidemment, un tout bon musulman va prier le vendredi avec son drapeau tricolore. Bah, alors. Ah oui, cette petite technique de com, oui, en plus c'est essentiel dans la vidéo, quoi. Je suis con parce que j'ai même pas commenté ça, mais effectivement, c'est le détail qui donne tout l'intérêt de la vidéo, quoi. Les drapeaux français, hein, c'est énorme. Bah les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît, quoi. Bah, ils sont très loin d'être cons en fait, hein, parce que ils jouent avec la définition du français actuel sous la Ve République, quoi, puisque la République ne reconnaît pas la différence de race, de religion entre les citoyens français. Donc ils ont bien raison de faire appel à ce ressort-là, quoi. Ça leur donne un gage de regardez, on est des patriotes, mais on est des patriotes musulmans. On est des En fait. patriotes! Ouais, voilà, c'est qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont raison, les mecs, ils ont raison, c'est très bien calculé de leur part. Est-ce que ça fait pas un petit peu écho? Bah, j'ai envie de dire, là, bon, vous allez peut-être me trouver taquin, mais est-ce que finalement c'est pas la victoire, je vais pas dire posthume, parce que bon, Alain Soral est en pleine santé, du moins je pense. C'est parce que c'est pas la victoire d'Alain Soral, parce que entre le grand maître du Grand Orient de France qui se fait éclater la tête à coups de marteau au cri de juif, juif, juif par une maghrébine, et des maghrébins musulmans qui agitent des drapeaux tricolores en face de la mairie de Clichy pour avoir une mosquée, est-ce que finalement on n'a pas justement ce néo-nationalisme français, tu vois, anti-sioniste, qui Affûté, quoi. je sais pas, parce que tous les codes sont là, tu vois, le drapeau tricolore, l'antisémitisme ou l'antisionisme, tout y est, quoi. Mais curieusement, il manque les Français, quoi. Bon, je le fais observer, je ne sais pas si c'est moi qui suis malicieux, mais il semble manquer des Français dans tout ça. Je ne sais pas. Alors. Y a pas un putain de blanc à l'horizon. Si, les CRS. LOL. Il n'y a que des blancs chez les CRS, toujours. Alors, participer à la petite sauterie en face de la mairie de Clichy, Marwan Mohamed. Ceux qui me connaissent ont eu l'occasion de m'entendre parler de lui aussi. Membre du collectif contre l'islamophobie en France, qui est une organisation de l'État islamique. Oui, c'est tout comme, c'est bon, c'est les frères musulmans. En fait, j'allais dire, l'État islamique, c'est une scission des frères musulmans, historiquement d'ailleurs, par association, c'est vrai. Mais on peut presque dire aujourd'hui que c'est l'inverse. Hein. Donc Marwan Mohamed était présent hein, en face de la mairie. Il s'est solidarisé, évidemment. On le comprend, hein, il est payé pour ça. Il a déclaré deux choses. Et ça va être pour toi, Hopman. Tu vas réagir là-dessus. Il a fait deux tweets. Et je vous les lis. Qu'est-ce que les musulmans, ici ceux de Clichy, ont demandé d'autre que leur droit, celui d'accomplir leur culte dignement? Librement. Deuxième point, deuxième tweet donc, et quand on aura poussé les gens à bout, que plus aucun dialogue ne sera possible, que seule la colère prévaudra, on s'indignera hypocritement, en sachant que ça se déroule quelques heures simplement après les attaques djihadistes de Londres. Hein. Donc le dernier tweet, je le relis quand même, et quand on aura poussé les gens à bout, donc les gens, vous savez qui c'est, que plus aucun dialogue ne sera possible, que seule la colère prévaudra, je vais insister là-dessus, que seule la colère prévaudra, on s'indignera hypocritement. Alors, Captain America, qu'est-ce que tu penses de ce propos de Marwan Mohamad, présent à la mairie de Clichy, pour exiger, avec ses amis pratiquant une prière de rue, la restitution de la mosquée, fût-elle illégalement occupée? Mais en fait, c'est très simple. Marwan Mohamed, c'est bien le mec qui, il y a quelque temps, avait dit on ne peut pas ne pas nous laisser l'espoir qu'un jour la France sera musulmane. Oui. Donc, parti de là, le mec a déjà tout dit. Si tu veux, la France, c'est pas qu'un bout de territoire, c'est une civilisation, c'est surtout un peuple, quoi. Donc, lui, il n'est pas là pour les Blancs, il est là pour sa maison, hein, c'est l'islam, c'est sa oumma, quoi. Et il fait exactement ce qu'a fait Malek Bouti. Malek Bouti avait dit une fois sur la télé contre Florian Philippot qu'il ne se laisserait pas mettre son nom sur une liste et foutre dehors, et qu'en gros, il le menaçait de violence, quoi, de guerre civile. Hein, d'émeute. Mais c'est exactement ce que fait Marwan Mohamed, quoi. Il dit tout simplement, si vous n'êtes pas coopératif, si vous ne nous rendez pas la mosquée, les gentils musulmans patriotes, on va s'énerver et on va faire ce qu'on sait le mieux faire. On va tout péter et après il faudra pas se plaindre. Donc, et ça revient en fait. Moi j'ai un pote à moi, enfin un mec avec qui je bossais, qui était métisse franco-afghan. Hein. La mère était blanche, bien sûr, le père était afghan. Il était converti à l'islam, il était champion de sport de combat. C'était un mec très sympathique, très calme, antisémite par nature, par essence, mais pas le mec qui cherchait les embrouilles, jamais. En revanche, on avait parlé religion, et il m'avait déjà dit à l'époque, c'était en 2010, il m'avait dit, si un jour la France, le gouvernement français, veut démolir des mosquées ou veut enlever l'islam de France, alors il y aura une guerre civile. Et là, c'est ce que nous dit Marwan Mohamed. Et les mots sont pas déguisés, le mec est honnête, quoi. Il nous le dit. Il faudra pas venir chialer. Si vous nous emmerdez, on va devenir violent. Et c'est un parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis, qui vient aussi des. Alors là, ça vient plutôt des féminismes et des anti-blancs de base. Ils disent en anglais, Don't make the black kids angry. Ne mettez pas les petits enfants, les jeunes noirs en colère, en fait. Donc encore une fois, c'est de l'inversion accusatoire, c'est-à-dire que c'est eux qui sont en situation illégale. Mais par le biais des mots, en fait, ils se mettent en position de supériorité morale en disant, voilà, nous on est gentils, s'il vous plaît, nous forcez pas à pas l'être, hein, parce que vous êtes quand même pas très sympa de nous prendre ce qui nous appartient de droit, quoi. Voilà. Ouais, c'est un propos que j'ai assez lumineux de ce que tu as dit. Je te rejoins sur tous les points. J'ai pas grand-chose à ajouter en fait. C'est bien formulé. Ouais, c'est bien formulé. Quelqu'un veut dire quelque chose sur ce qu'a dit Captain, notamment à propos de Marwan Mohamad et de ses menaces, j'allais dire voilées, pas voilées en réalité, même si le qualificatif s'y prêterait. Quelqu'un veut dire quelque chose là-dessus? Non, pas spécialement. Marwan, Raos, Schnell. Ah, c'est bien. Ça va pas ensemble, mais c'est bien. Ça va pas ensemble, mais c'est bien. Bon, en tout cas, une séquence très riche, hein, une séquence orientale très riche. Une nouvelle fois en Europe de l'Ouest, tout se passe bien. Et encore, je n'ai pas pu tout mentionner. Hein. Imaginez-vous que on n'a pas toute la place pour stipuler les coups d'éclat de nos amis. Alors, donc, thème de la semaine numéro 2, Psycu. Alors, en fait, j'ai voulu. Enfin, en fait, je suis tombé assez par inadvertance sur un article du Cosmopolitan. Donc, en bon français, du Cosmopolite, hein, c'est un journal très connu, enfin, c'est un magazine très connu pour femmes américains. Donc, imaginez quoi, magazine pour femmes, Cosmopolite, ouais, super. Ça va être le genre de magazine qui t'explique que pour t'épanouir dans ton couple, il faut tromper ton conjoint. Oh bah là, franchement, avec ce genre de torchon, tu peux tout imaginer. Mais alors, le truc important, c'est vraiment de voir que ce magazine, c'est un petit peu comme Elle, voilà quoi. C'est le genre de truc qui est lu par les femmes. C'est lu par les femmes. Bon, Cosmopolitan plutôt par les plus jeunes femmes. C'est pas un truc de teenager, c'est pas un truc d'adolescente, mais c'est un truc plutôt, on va dire, de femmes entre 20 et 40, quoi. Ouais, donc des femmes qui vont se marier, quoi. Voilà, voilà. Bah, les femmes, en fait, qui sont sexuellement disponibles, en fait. Enfin, qui sont sexuellement très disponibles, en fait. Et en lisant ça, alors j'ai lu ça en langue anglaise, j'étais là, waouh, il se passe des trucs. C'est signé Anna Smothers, qui nous fait un article magnifique, et je vous le cite, et je commence par le titre, qui résume un petit peu l'esprit du truc. Pourquoi les mecs sont excités quand vous avez un orgasme? Et pourquoi c'est un mauvais truc? Alors, accrochez-vous dans un voyage au bout de l'enfer. Hein. Alors, je commence l'article. Hein. Comme s'il ne suffisait pas que les hommes aient déjà plus d'orgasmes que les femmes, une nouvelle étude publiée dans le Journal of Sex Research a découvert que les hommes retirent également une sorte de plaisir masculin lorsque leur partenaire féminin atteigne l'orgasme. Les chercheurs ayant réalisé l'étude, Sarah Chadwick et Sarl Van Anders, se rapportent à ce phénomène incroyablement prévisible qu'est la réalisation masculine. L'étude a interrogé 810 hommes auxquels il a été demandé de lire une histoire où ils devaient imaginer avoir des rapports sexuels avec une jolie femme qui tantôt avait un orgasme, tantôt non. Il a ensuite été demandé à chaque homme d'évaluer son estime de soi et dans quelle mesure il se sentait masculin après avoir vécu le scénario. Les résultats sont ceux que vous attendiez. Les hommes se sentent plus masculins et ont davantage d'estime de soi lorsqu'ils ont imaginé une femme ayant un orgasme lors de leur rapport sexuel avec eux. Ces résultats suggèrent que l'orgasme des femmes a pour fonction d'être, au moins en partie, un accomplissement pour les hommes et leur masculinité, ont écrit les chercheurs. Dans une déclaration distincte, donc c'est-à-dire à côté de l'étude, Chadwick et Van Anders, les chercheurs ont expliqué pourquoi c'était une mauvaise chose pour les hommes que d'acquérir des points de masculinité en cherchant à faire atteindre l'orgasme à leur partenaire. Je les cite, « L'une des raisons est que cela pourrait pousser certains hommes hétérosexuels à se sentir obligés de donner l'orgasme à leur partenaire, comme s'il s'agissait de quelque chose que les hommes sortaient d'un chapeau et présentaient aux femmes. » Ceci est culturel et présente les femmes comme des bénéficiaires passives face à ce que les hommes leur donnent. Alors, ça fait un peu jargon, mais en résumé, l'orgasme féminin, si vous le recherchez, est sexiste. Hein ? Donc, si vous recherchez l'orgasme féminin, l'orgasme chez votre partenaire féminine, si vous êtes un homme ou un jeune homme, vous êtes sexiste, vous le découvrez avec nous. Les chercheurs, alors j'en avec la conclusion, les chercheurs tirent une conclusion assez effrayante, donc dixit l'auteur de l'article dans le Cosmopolitan, au sujet des résultats de la recherche, enfin de leur étude quoi, lorsque l'orgasme des femmes commence à servir de réalisation masculine, les orgasmes cessent d'avoir pour objet, la libération des femmes ou du plaisir sexuel. Ils deviennent une autre occasion pour les hommes de renforcer leur sens de la masculinité. Donc en d'autres termes, quand vous cherchez à procurer du plaisir à votre partenaire et à en retirer à votre tour, en fait vous cherchez à vous réaliser en tant qu'homme, ce qui paraît pas très surprenant finalement, mais enfin ils ont fait une recherche rien que pour ça. Et alors, la connasse qui écrit le truc dans le Cosmopolitan, ça la retourne dans tous les sens. Et elle dit que c'est inacceptable puisque l'objet de la relation sexuelle, d'après elle, l'objet, c'est la libération des femmes. Je ne savais pas du tout qu'une relation sexuelle, c'est la libération des femmes. J'ai appris un truc, le marxisme dans votre plumard. Alors, qui a envie de réagir sur cette saloperie? Et pourquoi j'ai jugé utile d'en parler? Vous allez me dire, mais c'est pas possible, c'est une sorte de coucherie, etc. C'est parce que c'est un magazine de masse. Et que c'est lu, alors pas par, c'est vrai, pas par les femmes du peuple, c'est vrai. Mais... Et c'était en langue anglaise, je vous l'accorde, mais n'oubliez jamais que ce qui sort aux États-Unis a une mauvaise tendance à déborder en Europe et en France, avec 2-3 ans de retard. Donc c'est intéressant de regarder, d'analyser ce qui se passe aux États-Unis. Et quand vous voyez ces trucs qui sont balancés dans le Cosmopolitan, dites-vous bien une chose, c'est que la connasse qui écrit dans « Elle », ou dans, bon, peut-être un petit peu moins Marie-Claire, mais bon, en plus feutré, vous voyez, elle lit ça avec avidité, mais avec avidité. Elle se dit, oh, ben, un éclair de génie. Elle illumine ma journée. je vais m'inspirer de ce qu'elle fait. Elle va fouiller dans l'étude, elle va vous faire le copier-coller. D'ailleurs, si vous allez chez le docteur, messieurs, parce qu'on a quand même plutôt un public d'hommes, mesdames aussi, lisez les magazines pour femmes, vous allez découvrir des tas de choses que vous ne connaissez pas chez la femme. C'est possible que d'ici un an ou deux, vous entendiez parler de ce dont on vous aura parlé ici. Alors, qui veut parler de cette histoire d'orgasme sexiste? c'est fabuleux. Qui veut en parler là? Qui se sent chaud là? Je veux qu'elle parle. Alors, c'est des fous, c'est des fous. Je sais même pas par où commencer. Parce que c'est ces mecs-là qui. Ces choses non-genrées, non-binaires. Qui t'explique que voilà, l'orgasme féminin est tabou, mais s'il détecte une proportion naturelle chez l'homme à s'intéresser à l'orgasme féminin, hop, il rétro-pédale tout de suite, ça devient fasciste, ça devient méchant, parce que, tout simplement, c'est naturel. Et oui, l'homme, c'est le principe actif, c'est dit partout. C'est dans la culture européenne, c'est dans la religion, vous retrouvez ça dans l'islam, vous retrouvez ça dans le bouddhisme ésotérique, partout. Oui, l'homme est actif par rapport à la femme. C'est la même chose, évidemment, dans les conceptions du taoïsme chinois. Mais voilà, il faut se battre contre ça, contre ce principe universel qui est vécu et ressenti par tout le monde, qui a été expliqué en long, en large, depuis des millénaires, à peu près partout sur la planète. Et ces gens-là sont prêts, à tout pour combattre l'ordre naturel. Et ce qui me choque, c'est jusqu'où ils vont. Tu disais, mais le marxisme culturel jusque dans ton plumard. Mais c'est pire que ça. Ces mecs-là sont dans ta tête. Ils sont là pour te dire que ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu... Naturellement, vers quoi tu es attiré, c'est mal. Ils sont devenus la caricature qu'ils ont fait de l'Église catholique, notamment par rapport au sexe. On a reproché à l'Église catholique de blâmer les élans naturels des gens et de s'immiscer dans les consciences d'une sorte de totalitarisme de l'esprit. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils te disent quoi penser, ils te disent quoi ressentir, ils te disent ce qui est correct de ressentir et ce qui est correct de penser. C'est devenu une espèce de contre-religion totalitaire. Mais c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Et vraiment, j'espère vraiment que ces mecs-là vont retourner là où ils appartiennent, c'est-à-dire dans les poubelles de l'histoire, et je pense en enfer, parce que ce sont juste des... Ils sont monstrueux. Monstrueux. Alors, moi, j'ai envie de dire un truc là-dessus, en juste donnant la parole à Cérix. Ce qui est très intéressant, c'est de voir d'où ça vient. D'abord, ça vient d'outre-Atlantique. Comme j'ai déjà dit, hein, les gens malentendus qui rajoutent un Y, des fois. Et ça vient d'outre-Atlantique, et ça vient des anglo-saxons. Parce que très souvent, les gros snobs qui écrivent dans ce genre de magazine, c'est des anglo-saxons. Ouais, mais elles sont vraiment anglo-saxonnes ou... Non, c'est des anglo-saxons. Et en fait, qu'est-ce qu'on ressent? En fait, on sent que c'est une espèce de retour du puritanisme. Mais par le camp opposé, le bord idéologique opposé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui me frappe dans le féminisme, j'ai même envie de dire le néo-féminisme. C'est pas du tout, parce que dans l'article, il y a d'autres choses. Hein. On dit oui, la libération, le plaisir... Non, c'est pas ça. C'est de dire que la femme doit maîtriser sa sexualité et ne pas la donner à l'homme. C'est elle qui doit être la maîtresse de sa sexualité. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Parce que, comme tu l'as bien dit, l'homme est le principe actif, etc. Et en fait, la femme essaie de challenger, enfin d'après elle, hein, ce qu'elle veut, c'est de challenger le phallus symbolique. Et donc elle dit, si vous maîtrisez en fait votre vagin, vous aurez l'ascendant. Et en fait, on voit une espèce de néo-puritanisme émerger en disant, voilà, il faut maîtriser la sexualité, il faut pas dire oui, il faut pas dire... L'homme et ses besoins, etc., il ne faut pas en tenir compte. Et on se dit, c'est très, très, très, très intéressant, très révélateur aussi, de voir que, finalement, la culture, peu importe le baratin qui est utilisé pour ça, revient en force. Et voilà, et ce qui se passe visiblement, avec ce pseudo-féminisme de merde, qui nous balance depuis les États-Unis, enfin, que certaines personnes depuis les États-Unis nous balancent, c'est littéralement la ceinture de chasteté. C'est exactement ça. Je pense que c'est lié aussi à la sociologie des centres-villes. Je pense que les femmes de centre-ville, elles se tapent les énormes fiotasses, genre Guillon, ce genre de grosses merdes, tu vois, il doit y avoir exactement les mêmes à New York, de toute façon. Des vieux feuges qui n'ont rien à péter, tu vois, qui sont... et du coup, je pense qu'elle est, si tu veux, elle souffre de relations sexuelles de façon complètement déficiente. De toute façon, c'est une bande de gremlins, tout ça. C'est-à-dire que les femmes sont des sous-femmes, les hommes sont des sous-hommes. Elles vivent dans un cadre où, de toute façon, elles ne peuvent pas devenir normales, puisqu'elles vivent... Enfin, comme je le disais, les femmes sont la dernière fois, les femmes sont déterminées par ce que sont les hommes. Et elles vivent déjà dans un cadre où il n'y a que des sous-hommes, puisque c'est centre-ville de New York, centre-ville de Los Angeles, enfin, c'est exactement les mêmes centres-villes qu'à Paris, tu vois. Il y a 80% de fiotas au mètre carré, quoi. Enfin, 80% de fiotas tout court, quoi. Et du coup, je pense qu'elles sont devenues complètement folles, parce que moi je connaissais l'autre type de féminisme où c'était le contraire, c'est-à-dire moi je connaissais les féministes old school maintenant, apparemment, c'est comme ça qu'il faut les appeler, elles sont apparemment devenues has-been, mais moi je connaissais les féministes qui se plaignent au contraire si tu les fais pas jouer, tu vois. C'est les féministes du nord, allemandes et tout. Elles, c'est ça, quoi. Elles, c'est déjà, tu vois, il faut... T'as une heure pour le sexe, tous les jours, elles veulent se faire ramener. Elles, c'était vraiment ce genre-là, quoi. C'est-à-dire, elles continuaient quand même à rester un peu humaines, quoi. Tandis que là, comme le disait Poro, on a affaire à des créatures monstrueuses, là. Vraiment des choses qui inversent tous les rapports naturels, tout le... Enfin, c'est tout l'épaule, on va voir ce qui va se passer, mais de toute façon, c'est une espèce de nouvelle espèce qui est en train de naître, quoi. C'est une nouvelle humanité qui, à mon avis, va être one use, quoi, one shot, tu vois, parce qu'ils vont pas se reproduire, ils vont tous être stériles. Ça durera pas, je veux dire. Ces mecs-là, ils vont se cracher, ça va être violent. Mais tu parlais un peu de la sociologie, mais il faut quand même parler un peu... Quand on a parlé des anglo-saxons, bon, le féminisme aux États-Unis, la sociologie aussi, fait apparaître quand même pas mal de lesbiennes juives. Hein. Donc, soit lesbiennes, soit juives, soit les deux. Donc, il faudra aussi mais parler de psychologie de ces gens-là. On voit pas beaucoup d'Africaines, enfin d'Afro-Américaines qui disent, qui élaborent ce genre de truc de merde. Ben, le côté castrateur, c'est totalement bidon. On voit bien que c'est prédéterminé par l'origine ethnique. C'est évident. Alors en France, alors moi je vous dis mon avis, et là le débat est ouvert, hein. Chacun peut y mettre de son truc. En France, j'ai le sentiment que les filles sont assez marquées par le féminisme, infectées par le féminisme, mais il y a d'autres traits culturels, genre le snobisme et tout. Mais il n'y a pas le côté qu'on trouve aux États-Unis, le côté ultra militant, quoi. C'est-à-dire qu'avec avec les éléments de langage, les slogans et tout, ça, c'est assez peu présent. On ne voit pas d'organisation féministe en France. Enfin, c'est très peu présent, quoi, en France. Mais, en même temps, il y a d'autres désagréments dont on a pu parler dans le passé. Mais là, dans ce texte-là, je me suis dit, là, on tient quelque chose. Parce que quand il y a une féministe, ou prétendue telle américaine, qui dit, dans un magazine qui est lu, quand même, par les femmes, quoi, l'orgasme, la recherche de l'orgasme par l'homme est sexiste, ça le fait pas, c'est pas bon, va falloir changer les habitudes. Faut... Évidemment, la nature est quand même très très puissante, et bon, les effets seront limités, mais ça on pourrait dire la même chose de l'homosexualité en même temps, vous voyez ? C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, mais attendez, l'homosexualité, c'est complètement résiduel, ça peut pas du tout prendre le pas dans l'esprit des gens, etc. Ouais, d'accord, bien sûr, c'est vrai, normalement, si on fait confiance à l'homme ou à la femme, normalement, si elles écoutent leur sens, ça devrait se passer à peu près comme ça. Astérix, vas-y, tu peux réagir. Ouais, et puis bon, moi, je vais... Un petit commentaire qui va peut-être sembler un peu archaïque pour certains, mais dans toutes les... Enfin... dans en tout cas la plupart des traditions à travers le monde, Un enfant doit naître dans l'orgasme hein, pour qu'il ait de l'énergie. Un enfant qui est né dans l'orgasme aura a priori sera a priori mieux né qu'un enfant qui sera né dans un sexe ennuyeux, névrosé, où la femme s'est contrôlée. Enfin, elles deviennent vraiment complètement cinglées, quoi. C'est fou, hein. Moi, je pense comme Porro que là, il y a de l'influence peut-être d'une petite secte qui n'aime pas les Européens et qui n'a pas envie qu'on se reproduise parce que Une petite ça secte, c'est mon elle avis, cherche ils n'aiment encore pas à beaucoup ramener de la Dieu. névrose. Je pense que Je c'est pense pas que seulement l'Européen qu'ils haïssent, je pense que c'est leur naturel et c'est Dieu. C'est une haine très profonde. Ça dépasse la haine ethnique, à mon avis.